Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Wal-kitabil mubin. Par le livre, le Coran explicite. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. Amran min indina inna kunna mursilin. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers. Rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul 'alim. À titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Bal hum fi shakkin yal'abun. Mais ces gens-là dans le doute s'amusent. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant « C'est un homme instruit par d'autres, un possédé. » Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Le jour où nous userons de la plus grande violence, et nous nous vengerons. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Leur disant, livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Wa